Bonjour à tous, chers amis, et bienvenue à FrenchPod. Je m'appelle Amaury. Je m'appelle Erika, bonjour. This is the upper intermediate lesson. Tout à fait. Nous allons nous rendre sur la rive gauche de la Seine, un des endroits les plus célèbres de Paris. Oui, c'est ça. On va visiter aujourd'hui un des endroits les plus intéressants à Paris. Oui. Peut-être on peut donner un peu plus de renseignements. Oui. C'est un musée. Vrai. Mais bon, on va pas plus loin. Ok. On s'arrête là et on écoute le dialogue ensemble. Bonne idée. C'est une bonne idée de venir au musée d'Orsay. Ça fait des lustres que je ne m'y suis pas rendu. Je savais que ça te ferait plaisir, mais cela ne va pas être facile. Ils ont tout chamboulé avec leur exposition temporaire sur Renoir. Ne t'inquiète pas, j'ai tout prévu. Le plan mise à jour du musée, une torche de rechange, un tournevis. Oups ! Fais attention. Elle m'a glissé des mains. Bon, ce n'est pas grave. Il semble que les gardiens n'aient rien entendu. On y va, direction la salle des impressionnistes. Et en silence. D'abord, il faut passer par la galerie Rodin. Aïe, certaines sculptures, je n'avais pas vues. Un peu de respect, c'est une œuvre d'art quand même. Allez, on continue. Nous y voici, c'est la toile de Gauguin là-bas. Tu es sûr qu'il n'y a pas d'alarme ? Mais non, regarde, il suffit de la décrocher. Et hop, ni vu, ni connu. Alors, nous voilà de retour. Ouais, ce n'était pas une bonne idée, je crois. Peut-être pas, non. Mais eux, ils ont pensé que c'était une bonne idée. C'est une bonne idée de venir au musée d'Orsay. Donc voilà, le fameux musée en question ici, le musée d'Orsay. Mm. Et donc, ça fait longtemps qu'ils n'y sont pas allés. Oui, il dit ça fait des lustres. En fait, un lustre, c'est une période de 5 ans, qui veut bien dire. Ça fait déjà un petit bout de temps. Ok. Donc voilà, on emploie vraiment un ton assez léger ici pour ce début de visite. Oui, on a l'impression ils sont juste les visiteurs du musée. Oui, je savais que cela te ferait plaisir de venir ici. C'est presque une balade. Mais là, après, il dit quelque chose qui nous donne l'idée qu'il y a une raison supplémentaire pour laquelle ils sont venus. Que cela ne va pas être facile. Quoi ? Qu'est-ce qui ne va pas être facile ? D'autant plus que tout a été chamboulé dans le musée. Chamboulé, qu'est-ce que ça veut dire ? On va dire c'est mettre en grand désordre. Ok. Mettre sans dessus dessous. Like messed up, they messed up everything. Ouais. Ils ont tout chamboulé. Tout a été déplacé ici. Ici, à cause d'une exposition temporaire sur Renoir. Ouais, donc le fameux peintre impressionniste que j'adore personnellement. Ah bon ? Ouais, mais bon, on dirait que ça n'est pas grave. Oui, parce que l'autre, il a tout prévu. D'accord, normalement, donc ici, trois choses sont citées. Un plan mise à jour du musée. C'est une mise à jour, ça veut dire up to date. Exactement. Ici, c'est un plan mise à jour. C'est le plan le plus récent. Où il y aura toutes les dernières indications. Si jamais il y a quelque chose qui a changé, normalement, ça doit être sur leur plan. Oui, parce que le plan est mis à jour. Exactement. Ok. Alors, un autre exemple, ce serait... Est-ce que tu as mis à jour ton carnet d'adresse, Erika ? Non, ça fait des lustres que je ne l'ai pas mis à jour, en fait. Mais enfin ! Alors non, ce n'est pas mis à jour. So, ils ont le plan mise à jour du musée. Et quoi d'autre ? Une torche de rechange. C'est quelque chose pour voir dans la nuit. Oui. Quand il fait noir. Une petite lampe. Oui. Mais c'est une torche de rechange. De rechange, c'est l'expression, c'est ce que ça veut dire. Donc en fait, ici, on est sûr qu'il y a deux torches. Parce que de rechange, ça veut dire qu'on a quelque chose en réserve. C'est comme avoir une torche supplémentaire, en fait. Oui. On en a un autre exemplaire. Au cas où il y a un problème. Par exemple, dans la voiture. Il est toujours bon d'avoir un pneu de rechange. Un pneu. Ouais. J'adore ce mot. Un pneu de rechange. Mm-hmm. Ok. Il a aussi un troisième objet. Qu'est-ce que c'est ? Un tournevis. Ce qui est un screwdriver. Tout à fait, ouais. C'est plus facile à dire en anglais, en fait. Un screwdriver, un tournevis. Ouais. Ok. Donc, on a un matériel ici parfait pour une visite de musée. Tiens, oui. Le plan mise à jour du musée, bon d'accord, mais après ça, ouais. C'est un peu bizarre. Un peu surprenant. Oui, un peu. Et ce qui se passe après, ça nous donne l'impression qu'ils sont seuls dans le musée en fait. Oui, et puis ils font tomber leur fameuse torche. Elle a glissé des mains. Oui, donc cette expression, pour dire qu'il l'a laissé tomber. It slipped out of my hands. Ouais. C'est une expression fixe, non ? Voilà, pour dire qu'on a perdu quelque chose, on l'a laissé tomber sans faire exprès. Et ce qui se passe après, ce qu'il dit, donne l'impression qu'ils ne sont pas dans le musée pour les raisons artistiques. Ou culturelles, en fait. Peut-être qu'ils ont une raison... Un peu spéciale d'être là. Puisqu'ils sont contents qu'il semble que les gardiens n'aient rien entendu. Mais les gardiens ne faisaient pas attention, évidemment. Donc tout va bien, on continue notre petite visite, direction celle des impressionnistes. Et en silence cette fois-ci. Alors pour arriver à la salle des impressionnistes, il faut passer par la galerie Rodin. Ce qui est un peu dangereux on dirait. Oui, pourquoi? Donc on dirait qu'il y a un des deux voleurs qui se cogne à une statue. Oui. Et alors il pousse un cri, aïe, satanée sculpture. Alors satanée, qu'est-ce que ça veut dire? Donc en fait ça veut dire maudite. Satanée sculpture, est-ce que c'est un mot vulgaire? Non. Mais c'est une injure quand même, donc il ne vaut mieux pas l'utiliser dans une situation officielle, dans une situation soutenue. Alors il dit « Satanée sculpture, je ne l'avais pas vue ». Est-ce que son ami répond, c'est un peu marrant, mais un peu de respect quand même. On ne parle pas comme ça, d'une œuvre d'art quand même. Il ne faut jamais employer le mot satané avec les sculptures des Rodins, non? Alors, allez, on continue, et puis enfin, ils arrivent, nous y voici. Ils disent, on apprend ce qui est leur cible. Une toile de Gauguin. Là-bas. Et puis l'autre, il demande une question que peut-être ce n'est pas le moment de demander cette question. Il aurait dû demander il y a longtemps déjà. Il aurait dû y penser il y a bien longtemps. Oui, en dernière minute, il dit, mais écoute, tu es sûr que... Il n'y a pas d'alarme. Mais non, évidemment, dans le musée d'Orsay, il n'y a pas d'alarme. Pourquoi il y aurait des alarmes? Ce sont des amateurs, I think. Et donc, tout ce qu'il suffit de faire, c'est la décrocher. Et là, c'est la toile. Oui. Décrocher, ok. Pas l'alarme. Non. Ouais. Et hop, quoi. Ni vu, ni connu. Alors, cette expression ni vu, ni connu, c'est une expression fixe, non? Oui, qui veut dire sans laisser de traces. Ok. C'est ce qu'on dit quand on est en train de faire quelque chose qu'on n'est pas censé faire, c'est bien ça, oui. Ouais. Et on ne veut pas qu'on le voit. Voilà. Et je l'ai fait, alors ni vu, ni connu. Mais il avait tort. Plutôt, ouais. Puisque l'alarme s'est bien déclenchée. Et donc, maintenant, pour nous, il est temps de réécouter ce dialogue. C'est une bonne idée de venir au musée d'Orsay. Ça fait des lustres que je ne m'y suis pas rendu. Je savais que ça te ferait plaisir, mais cela ne va pas être facile. Ils ont tout chamboulé avec leur exposition temporaire sur Renoir. Ne t'inquiète pas, j'ai tout prévu. Le plan mise à jour du musée, une torche de rechange, un tournevis. Oups! Fais attention. Elle m'a glissé des mains. Bon, ce n'est pas grave. Il semble que les gardiens n'aient rien entendu. On y va, direction la salle des impressionnistes. Et en silence. D'abord, il faut passer par la galerie Rodin. Aïe, certaines sculptures, je n'avais pas vu. Un peu de respect, c'est une œuvre d'art quand même. Allez, on continue. Nous y voici, c'est la toile de Gauguin là-bas. Tu es sûr qu'il n'y a pas d'alarme? Mais non, regarde, il suffit de la décrocher. Et hop, ni vu, ni connu. Ok, so, le musée d'Orsay. Un musée exceptionnel. Yeah. Pas très vieux, en fait, puisqu'il a été ouvert en 1986. Yeah, it's pretty relatively, because it used to be a train station, right? C'est bien ça, ouais. And they converted it into a museum. Oui, ça a pris du temps, d'ailleurs, à le convertir dans un musée, puisque c'est en 1977 qu'ils ont décidé de le changer. Right. Et c'est seulement 1986, comme je l'ai dit, qui était ouvert. Right, and it's right across the street from the Louvre. C'est bien ça, ouais. And like it says in the dialogue, it's where all the impressionists, it's where you're going to see all those famous, ouais. Gauguin, Monet, ouais, Renoir. Il est très réputé, ce musée, pour abriter des collections impressionnistes très complètes. C'est là qu'on retrouve parmi les toiles les plus célèbres de beaucoup d'hommes. Right. De peintres, ouais. And a lot of people don't know that. If they go to France just for the weekend to Paris, they always go to the Louvre. Ouais. They think that's the famous one, which it is famous too, but they really only have like the Mona Lisa. If you want to see the famous French paintings, it's better to actually just go to the Musée d'Orsay. Tout à fait. If you can only pick one, I would go there over the Louvre, actually. Ouais. Et en plus, c'est plus petit que le Louvre. Yeah, it's a lot smaller. Ouais. It's pretty big, though. Ah ouais, il y a énormément de toiles. Yeah. Ouais. Do you think it would be possible for this to happen? Would somebody really be able to pull off stealing something from the Musée? Difficile pour moi de me prononcer, mais bon, il y a quand même eu un exemple en 2007, là, il n'y a pas si longtemps que ça. Yeah, last year. Ouais. Well, they didn't steal it, though. Non. Bon, mais il y a quand même quelqu'un qui a réussi à faire un trou à travers une peinture. Yeah, he punched a hole in, I think it was a Monet. Oh, une toile de Monet, tout à fait. Yeah, and the article said that they seemed drunk, it was a group of people. Oui, je sais pas, enfin, leur raison exacte, je sais pas, mais ça doit être ça, ouais. But the crazy thing is they got away with it. Ben oui, mais bon. They didn't catch them, they ran out in time. But you probably wouldn't be able to steal, run out with a painting, I think. J'espère que non, quoique bon, ça arrive quand même parfois dans certains musées. Hein. Yeah. Yeah, but I don't know, when we were looking up to see if this, that had happened, I was surprised to see, I always pictured it to be like in those movies. Ah oui. Where if you were to even touch it, there would be things that would fall and you would be stuck, you know, you would be trapped with like imprisoned with glass or something and not be able to leave. I always imagined it was like that, but it's really not. Non, je crois pas que ce soit aussi élaboré. They haven't caught up to the like modern action films yet, I guess. Non. Okay. Faut quand même ajouter que bon, ce petit problème a eu lieu. Bon, c'était une nuit spéciale. Une nuit où toute la galerie était ouverte et il y avait un monde fou, quoi. The day when the guy punched the hole in. Ouais. Yeah, it was la nuit blanche where all this art stuff stays open all night long. C'est ça. And that's probably why it Peut-être. Happens. Voilà, en tout cas, merci beaucoup pour nous avoir écoutés. On se retrouve sur frenchpod.com pour partager vos commentaires. Yeah, frenchpod.com. If you have any questions, you can come ask them. Et sur ce, à très bientôt. Merci, au revoir.